Un jour je me baladais dans un torrent d'eau glacée. Plouf. Quand je vis un gros tas de merde qui faisait de la fumée. Quand je vis sortir la tête d'un petit gars énervé. Je me demandais ce qu'il faisait, peut-être son déjeuner. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde, le petit gars est coincé sous un tas de merde. Quand je lui demandais ce qu'il faisait sous un tas de merde dégueu, il me répond qu'il cherche l'oracle sous un tas de merde. Allons donc gamin, calme-toi, y a pas de raison de s'énerver. Ça va pas la tête. L'oracle il est sûrement pas là, le furet l'a donc mangé. Si, il est là. Il me dit qu'un sage lui a dit qu'il faut qu'il fouille sa merde. Brof. Pour trouver ce qu'il recherche pendant toute la journée. Youpi. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde, le petit gars est coincé sous un tas de merde. Quand je lui demandais ce qu'il faisait sous ce tas de merde dégueu, il me répond qu'il cherche l'oracle sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde, le petit gars est coincé sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Quand je lui demandais ce qu'il faisait sous un tas de merde dégueu, il me répond qu'il cherche l'oracle sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde, le petit gars est coincé sous un tas de merde. Quand je lui demandais ce qu'il faisait sous ce tas de merde dégueu, il me répond qu'il cherche l'oracle sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Sous un tas de merde, le petit gars est coincé sous un tas de merde. Sous un tas de merde. Quand je lui demandais ce qu'il faisait sous ce tas de merde dégueu, il me répond qu'il cherche l'oracle sous un tas de merde. Il me répond qu'il cherche l'oracle sous un tas de merde. Il me répond qu'il cherche l'oracle, il cherche l'oracle, il cherche l'oracle, il cherche l'oracle, mais il le trouve pas, oui, sous un tas de merde.